Rosa, la belle époque de Nele et Youm et les autres. Moto amati kane lambo binyon molo mwande moe. Moto amati kane se sende binyon lo si kwale to lambo. Nelo timbe ana longe, tima boe longe. Longe la moto tima suwande kalende. Moto amatika ne lambo binyon molo mwande moe. Moto amatika ne se sende binyon lo si kwale to lambo. Nelo timbe ana longe, tima boe longe. Longe la moto tima suwande kalende. Osi lombe makata to bunyana wande. Osi lo ape to bisona lenje. Singate Lambonde binyo lo bande moe. Moto amatika ne sese de binyo lo si kwale to lambo. Nelo timbe ana longe, tima boe longe. Longe la moto tima suwande kalende. Osi lombe makata to bunyana wande. Osi lo ape to bisona lenje. Et puis après Bunyamo bopo ite, o madiande be mabese. Si ton heure a déjà sonné, o si malane ponto lambo. Nabato bakuma kwalana, ata sonda ponge ya ye wenge isonji. Moto endenge, endenge. Mota bena mamu na mama wo endenge. Musumote wambo we na timato ono le fenge. Musumote ye we ye na timaso wano. De pain, pensons à ceux qui n'en ont pas. Le gaspillage est une forme de criminalité et je le condamne. Papa, mi en Vincent.